إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 66 dans sourate Al-Kaba'ir, le livre à propos des grands péchés. Et avec, c'est le livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Parce que je dis ça parce qu'il y a plusieurs livres Kaba'ir, pas juste celui de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il y a aussi celui de l'imam al-Zahabi et d'autres. Oui, c'est ça. Donc il y a plusieurs livres sur les Kaba'ir, mais celui de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il est très, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de sujets, des chapitres vraiment intéressants. Puis il est expliqué par le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il a une façon d'expliquer qui est vraiment claire et simple, hein, facile à comprendre. Et donc, yani, mashallah, le Cheikh, des fois il dit peu de mots, mais il y a, dans les mots qu'il explique, yani, il y a beaucoup de signification, il y a beaucoup de sens, et donc c'est vraiment intéressant. C'est pour ça que j'aime beaucoup faire la lecture de ces livres. Donc en plus c'est un des grands ulama de notre époque, donc mashallah, alhamdulillah, c'est toujours bénéfique. Donc le cheikh il dit aujourd'hui le chapitre qu'on va lire, c'est Babun Zikru Juhud al-Ni'ma. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ouais. C'est pour ça que les soufis, les shi'a, quand ils parlent des wahhabites, ils disent wahhabite à propos du fait que le cheikh il s'appelle Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ok. Et Abdul Wahhab c'était le nom de son père, parce que lui son nom c'est Muhammad. Hein? Donc il devrait dire les Muhammadites, pas les Wahhabites. Et en plus, Al-Wahhab, c'est Allah. Parce que c'est un des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est comme s'il dirait les Rahmani, ou bien les, hein, les Qadiri. Ou, yani, parce qu'Allah, il s'appelle Al-Qadir. Ou bien, il s'appelle également Al-Aziz. Il s'appelle également Al-Rahman. Donc pourquoi dire Al-Wahhabi? Ça fait aucun sens. Mais de toute façon, c'est un sobriquet qu'ils ont inventé pour essayer de faire peur aux musulmans en leur faisant croire que c'était quelque chose de nouveau qui avait été amené par ce cheikh, alors qu'en réalité, tu vois les raisons pourquoi ils nous appellent Wahhabi. Quand tu regarde les critiques qu'il ramène contre le cheikh, eh bien, subhanallah, parmi les exemples, c'est qu'on interdit l'adoration des morts, on interdit l'adoration des tombes, et on interdit les innovations et les bid'ahs, la célébration de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et toutes sortes d'autres exemples comme ça. Et eux, ça les dérange, parce qu'eux, ils pratiquent ces choses-là. Alors, ils nous appellent des wahhabis pour, hein, faire croire aux gens que qu'est-ce qu'on fait c'est, ou qu'est-ce qu'on dit c'est contraire à qu'est-ce qui est correct, alors qu'en réalité c'est tout à fait le contraire, c'est eux qui sont dans l'égarement. Et le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien ramené d'autre que ce que le Coran et la Sunna, hein, ont mentionné. Et la preuve, c'est qu'est-ce qu'on a lu dans ce livre, tout ce qui est ramené dans le livre de Al-Kaba'ir Eh bien, c'est des hadiths et des versets du Coran. Et rien d'autre. Et des paroles des sahaba aussi parfois. Donc, ces gens-là, ils disent, ils critiquent, mais ils critiquent sans preuve. Et ils critiquent dans le faux. Donc, le cheikh, il dit dans ce chapitre, Babu juhud al-ni'ma, ou dhikr juhud al-ni'ma. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le chapitre de qu'est-ce qui est mentionné par la charia au sujet de renier les grâces d'Allah. De renier les grâces d'Allah. Et le cheikh il dit wa fi sahih an ibn Abbas marfu'an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala dakhaltu an-nar fa ra'aytu akthara ahliha an-nisa yakfurna qila yakfurna billah qala la yakfurna al-ashir yakfurna al-ihsan law ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka shay'an قالت ما رأيت منك خيرا قط. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et il y a la version qui dit أريد النار et l'autre, ça c'est la version d'Al-Bukhari et la version de Muslim qui dit رأيت النار. Donc c'est deux sens différents. أريد ça veut dire on m'a montré et رأيت ça veut dire j'ai vu. C'est la différence. Donc c'est rapporté selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit hein, je suis rentré dans le feu et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient des femmes et qu'elles reniaient hein. Elles, yani yakfurna. Le même terme qu'on utilise pour dire le kufr, il peut être employé aussi pour dire le fait d'être ingrat. Kufr al-ni'ma, ça veut dire l'ingratitude. Et c'est pour ça que la personne, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yakfurna, quelqu'un a posé la question yakfurna billah, c'est-à-dire est-ce qu'elle renie la foi en Allah? Il a dit non, elles sont ingrates envers leur mari. Elles sont ingrates envers leur mari et elles sont ingrates envers la bonté que leur mari leur font. Il dit, si tu fais du bien à l'une d'entre elles pendant toute la vie, puis qu'elle voit de toi une chose qu'elle n'aime pas, elle va dire, je n'ai jamais rien vu de bon de toi. Je n'ai jamais rien vu, aucun bien de toi. Donc, le cheikh, il a cité ce hadith-là pour mentionner l'ingratitude. Hein? Et c'est pour ça qu'il dit, juhud al-ni'ma, c'est-à-dire le fait de renier la grâce, c'est ça qui veut dire l'ingratitude. Ok? Comme si tu renies les bienfaits qu'on te fait et les grâces qu'on te donne. Il dit wa an Abi Hurayra marfu'an man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah. Sahahahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun gharib. Il dit que Abu Hurayra a mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ne remercie pas les hommes, il ne remercie pas Allah. Celui qui ne remercie pas les hommes, quand quelqu'un te fait du bien, tu ne les remercies pas, eh bien c'est comme si tu n'avais pas remercié Allah. Et ça c'est authentifié par Tirmidhi, et il a dit que c'est un hadith hassan, et il n'est pas rapporté par un grand nombre de rapporteurs. Il dit, également il est rapporté par Ahmad et Abu Daoud. Après il dit wa an Jabir radiyallahu anhu marfu'an man u'tiya 'ata'an fawajada falyajzi bihi wa man lam yajid falyuthni bihi fa inna ath-thana'a shukrun fa in athna faqad shakarahu wa man katamahu faqad kafarahu. Donc ça c'est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Jabir radiyallahu anhu qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui a reçu un don de la part de quelqu'un et qu'il trouve quelque chose pour récompenser la personne qui lui a fait ce don, alors qu'il donne quelque chose pour remercier la personne en reconnaissance, mais s'il ne trouve rien à redonner à la personne, alors qu'il fasse ses éloges. hein, et qu'ils disent du bien de lui. Parce que de dire du bien de la personne, c'est une forme de remerciement. Et il dit, celui qui a dit du bien de la personne, il l'a remercié, mais celui qui le cache, et c'est comme s'il a été ingrat. Il a été ingrat. Donc il faut remercier la personne, les personnes quand ils te font du bien. Le cheikh, il explique ça, cheikh Al-Fawzan, il dit, « قوله باب جحود النعمة أي إنكارها لأن النعمة يجب أن تشكر سواء كانت من الله أو أجراها سبحانه على يد مخلوق وإلا فالنعمة كلها من الله سبحانه وتعالى وقال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فإن أجر الله نعمة على يد المخلوقين فيجب على المنعم عليهم أن يشكروا الله جل وعلا ثم يشكروا من أسدى إليهم معروفا من الخلق كذلك ولا يجحد النعمة فإن جحودها كفر أصغر لا يخرج من الملة ولكنه معصية كبيرة قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Donc le cheikh explique que le chapitre de du rejet ou du fait de renier la grâce, c'est-à-dire d'être ingrat et de rejeter, hein, de ne pas reconnaître la grâce qu'on nous fait, alors que c'est obligatoire d'être reconnaissant, peu importe que cette grâce vienne d'Allah directement ou que Allah subhanahu wa ta'ala t'ait donné cette grâce par l'intermédiaire d'une créature, par la main d'une créature. Sinon, la grâce, elle doit toujours, toutes les grâces, peu importe, qu'elles te viennent directement d'Allah ou qu'elles te viennent de la part d'une créature, par la main d'une créature, elles viennent d'Allah quand même. Toutes les grâces viennent d'Allah. Et donc, le cheikh, il cite le verset 18 dans sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et si tu essaies de compter les grâces d'Allah, tu ne seras jamais capable de les énumérer. Tu ne seras jamais capable de les compter toutes. Hein? Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait parfois que Allah te donne une de ses grâces, mais par la main d'une de ses créatures. Hein? Des fois, par exemple, quelqu'un, il vient et te donne quelque chose. Hein? Tu as fait des doigts, tu as dit à Allah, oh Allah, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de ça, ou bien je suis dans la difficulté et tout. Tout d'un coup, quelqu'un, il vient, il frappe à ta porte, il dit, ya akhi, tiens, je te donne ça, j'en avais pas besoin, ou bien tiens, je sais que tu es dans le besoin, voici telle chose. Tu dis, subhanallah. Hein? Cette personne-là, c'est Allah qui l'a envoyé pour te donner ça. Cette grâce-là, elle vient donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc il y en a qui comprennent pas ça. Ils pensent, ah, c'est la personne qui me l'a donné. Et ils oublient de remercier Allah. Mais en même temps, même si Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait parvenir cette grâce par la main d'une des créatures, il ne faut pas non plus oublier de remercier la personne qui t'a donné cette grâce aussi. Hein? Donc il dit, il faut être reconnaissant envers Allah et il faut également être reconnaissant et remercier la personne qui nous a fait le bien également parmi les créatures et de ne pas renier la grâce. Hein? Parce que de la renier, c'est une forme de mécréance mineure qui ne fait pas sortir de la religion. Mais c'est un péché parmi les grands péchés, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7, dans surat Ibrahim, et on va lire la traduction de ce verset dans surat Ibrahim. Il dit, « Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Donc quand tu es reconnaissant, Allah t'augmente. Il te rajoute des grâces. Mais si tu es ingrat, tu n'es pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien dans ce cas-là, Allah il va t'enlever de ses grâces. Il ne va pas t'augmenter, il va t'en enlever, il va te punir. Il dit, « Wa ni'matu la tastaqirru illa bishukri, wa illa fa innaha tazoul, wa tubaddal bin niqmati » إن لم تشكر قال الله تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون والنعمة إذا زالت لا تعود فيجب على المسلم أن يشكر الله على نعمه التي أنعمها عليه وأن يحدث لكل نعمة شكرا. Hein? Donc ça c'est très important. Le cheikh il explique que la grâce elle ne va pas rester stable sauf si tu es reconnaissant et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce là sinon si tu n'es pas reconnaissant il va te faire perdre cette grâce et il va la faire remplacer par le châtiment à la place si tu n'es pas reconnaissant. Et il cite le verset 112 dans sourate An-Nahl. Et écoutez bien la signification de ce verset-là que le cheikh il a cité. C'est vraiment un verset qui donne des frissons dans le dos quand tu réfléchis à sa signification. 112 dans sourate An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate au bienfait d'Allah. Allah lui fit donc goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Donc c'est pour dire, ils étaient bien, tranquilles, ils avaient tout, mais ils n'ont pas été reconnaissants envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont connu la peur et la faim à cause de ça, parce qu'ils ont été ingrats. Il dit le cheikh, « Wa ni'matu », donc la grâce, si elle part, elle ne revient pas. Hein? Donc, il est obligatoire pour le musulman de remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. « Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. » Je me demandais, quand est-ce que tu allais te pointer? Hein? Masha'Allah. Tu nous as manqué, en fait. Eh, mashallah. Donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire pour le musulman de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les grâces que Allah lui a faites et à chaque nouvelle grâce que Allah te donne de le remercier une nouvelle fois. Hein? C'est pas juste que par exemple t'as eu une grâce, là t'as remercié Allah subhanahu wa ta'ala, ça y est, tu remercies plus pour les autres grâces, non. Chaque grâce que tu reçois, tu dois être reconnaissant encore une fois. Et il faut comprendre aussi la façon d'être reconnaissant. Qu'est-ce que ça signifie être reconnaissant? Et le cheikh, c'est ça qu'il explique maintenant. Il dit وَالشُّكْرُ يَكُونُ بِاللِّسَانِ وَالْقَلْبِ وَالْعَمَلِ وَأَرْكَانُهُ ثَلَاثًا أَوَّلُهَا أَنْ يَتَحَدَّثَ بِالنِّعْمَةِ ظَاهِرًا مِنْ بَابِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ثَانِيهَا أن يعترف بها باطنا بأنها من الله وليست بحوله ولا كده ولا قوته والثالث أن يصرفها في طاعة الله فإذا اختل ركن من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرضها للزوال والعياذ بالله. Donc ça c'est très important et moi je vous conseille là de les noter ces points-là ou de les mémoriser parce que c'est vraiment important. Le cheikh il dit quoi? Il dit la reconnaissance, qu'est-ce qu'on appelle en arabe shukr, hein? Shukr ça veut dire le remerciement, la reconnaissance. Elle doit, hein? Tu l'écris, Hakim? Ok, vas-y. Donc la reconnaissance, elle se fait pas seulement avec la langue, mais elle se fait aussi avec le cœur premièrement, et elle se fait avec les actions. Donc tu es reconnaissant envers Allah, pas seulement par le fait de dire Alhamdulillah, hein, mais aussi par le fait de faire les actes d'obéissance que Allah t'a ordonné de faire. Si tu reçois une grâce d'Allah puis que par la suite tu fais des péchés, tu n'as pas été reconnaissant. Hein? Tu n'as pas été reconnaissant parce que tu n'as pas été reconnaissant envers Allah par tes actions. Tu Tu dois être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par ta langue, par ton cœur et par tes actions aussi. Hein? L'exemple de ça, c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, hein, jusqu'à ce que ses pieds se fendillent, yani, tellement qu'il priait longtemps. Et Aïcha radiallahu anha lui a dit, oh messager d'Allah, tes péchés passés et à venir sont pardonnés, pourquoi tu restes longtemps comme ça en prière? Et il lui a dit quoi? Afala akunu abdan shakura. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? C'est la preuve que la reconnaissance, c'est pas seulement par les paroles, mais aussi par les actions également. Et il y a trois piliers à la reconnaissance. C'est ces trois piliers-là que vous devez, hein, vous rappeler. La première, c'est que tu dois parler de la grâce que Allah t'a donnée, hein, c'est-à-dire en parler ouvertement. Mentionner cette grâce. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans verset 11 dans sourate Ad-Duha. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Hein? En ce qui est de la grâce de ton Seigneur, alors parle-en. Parle de la grâce d'Allah. Hein? Mentionne la grâce que Allah t'a donnée aux autres. Hein? Deuxièmement, de reconnaître que cette grâce, elle ne vient que d'Allah. Et qu'elle n'était pas venue par ta propre force ou ta propre, hein, par ta propre capacité, tes propres moyens, comme certains qui renient Allah subhanahu wa ta'ala, hein, ou bien qui dit tout ce que j'ai, c'est avec mes mains que je l'ai eu, c'est par mon effort, c'est par ma sueur, par mon intelligence, hein, par ma force seulement que je l'ai, hein? Non, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois reconnaître ça, sinon, hein, tu n'as pas été reconnaissant. Et le troisième pilier de la reconnaissance, c'est quoi? C'est que cette grâce que Allah t'a donnée, tu vas l'utiliser dans l'obéissance d'Allah. Tu vas pas l'utiliser pour faire le péché. Hein? Donc ça veut dire, yani, Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné quelque chose, toi tu l'utilises, tu vas faire du bien avec. Tu vas pas l'utiliser pour faire quelque chose de haram. Hein? Parce que sinon, dans ce cas-là, tu n'as pas été reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. Oui, hein? Oui, ou des choses comme ça. Même quelqu'un, Allah lui a donné une belle voix. Et lui, il dit, bon, puisque j'ai une belle voix, je vais chanter, il devient un chanteur, il chante des choses haram. Ou bien il chante des chansons de bid'ah, comme les soufis. Hein. Au lieu de réciter le Coran, au lieu de... Hein. Donc ça, c'est un exemple de que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Ou bien, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est fort physiquement. Allah lui a donné la force physique. Au lieu de yani, utiliser cette force pour faire le bien, puis yani, faire qu'est-ce qui est halal, eh bien, il fait de l'injustice. Hein? Hein? Hein? C'est qui? Ah, Ad. Barakallahu fik, j'avais pas compris. Oui, c'est ça. L'exemple de Ad, ils étaient forts. Et ils ont dit man ashaddu minna quwwa. Ils ont dit qui sont plus forts que nous? Ah, OK, min qabl lam tafham. Subhanallah. Non, c'est vrai. Subhanallah. Donc yani, ça c'est des exemples qu'ils sont pas reconnaissants. Quand tu n'es pas reconnaissant, il faut que tu utilises ta force dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit, si il manque un de ces trois piliers là, alors dans ce cas là ça veut dire que tu as été ingrat et que tu n'as pas été reconnaissant envers la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu es yani, susceptible de perdre cette grâce d'Allah. Wal'iyadu billah. D'accord. Après le cheikh dit وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْمُنْعَمْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي أَزْدَى اللَّهُ عَلَى يَدِهِ هَذِهِ النِّعْمَةَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. Ça c'est rapporté par Ahmad et Abu Dawood et An-Nasa'i, et c'est un hadith qui est rapporté selon Ibn Umar. Il dit le cheikh que يعني, il faut que la personne qui a reçu une grâce, elle soit également reconnaissante envers la créature par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait parvenir cette grâce. Donc tu remercies la personne qui t'a fait parvenir cette grâce. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui vous fait un bien quelconque, alors rétribuez-le. Rétribuez-le, c'est-à-dire remettez-lui un bien aussi. Mais si vous ne trouvez rien à lui donner pour rétribuer le bien qu'il vous a fait, alors faites des invocations pour lui jusqu'à ce que vous voyez que vous l'avez rétribué, c'est-à-dire que vous lui avez remis le bien équivalent, c'est-à-dire par vos invocations pour lui. Donc c'est important de faire des doigts pour tout le monde qui yani, nous fait un bien quelconque. Si on est capable de lui remettre un autre bien aussi, dans ce cas-là c'est bien d'être reconnaissant. Il dit وقوله أريت النار فرأيت أكثر أهلها النساء فإن أكثر الناس كفرانا للنعمة النساء والنبي صلى الله عليه وسلم أري الجنة والنار وهذا من معجزاته فرأى أكثر أهل النار النساء والسبب أنهن يكفرن أزواجهن أو يجحدن إحسانهم فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أزدى إليها من العشرة الطيبة والقوامة والستر فهو يكدح وينفق عليها ويسكنها ويكفيها المؤنة ويعفها أو نعم يعفها فإن له عليها أياد كثيرة وهي مع هذا كله لو حصل منه أدنى تقصير كفرت كل ما أزدى إليها من قبل فتنسى كل ذلك وتجحده هذه صفة المرأة لذلك صارت النساء أكثر أهل النار. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a montré l'enfer. Et il a vu que le plus grand nombre d'habitants de l'enfer, c'était des femmes. Il dit pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sont ingrats sont des femmes. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a montré le paradis et l'enfer. Et ça fait partie des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que la plupart des habitants de l'enfer sont des femmes. Et la raison de ça, c'est à cause de leur ingratitude envers leur mari. Et elles renient la bonté qui leur est faite de la part de leur mari. Et donc, il est obligatoire pour la femme d'être reconnaissante envers son mari lorsqu'il lui fait du bien, puisque c'est lui qui s'occupe d'elle, c'est lui qui dépense pour elle, c'est lui qui la couvre, c'est lui qui travaille pour dépenser sur elle de ses biens, pour lui donner un toit, pour la nourrir, pour yani, l'aider à préserver sa chasteté et ainsi de suite. Et donc il a beaucoup de mérite et de faveur vis-à-vis d'elle. Et donc à cause de ça, il dit le cheikh, si la femme elle voit en son mari le moindre manquement, eh bien elle oublie tout ce qu'il a fait pour elle. Elle oublie tout ce qu'il a fait pour elle et elle le renie. Et elle dit, j'ai jamais vu aucun bien de ta part. Comme s'il avait jamais rien fait pour elle. Donc le cheikh il dit, ça c'est la caractéristique de la femme. Et il dit, c'est à cause de cette caractéristique là que les femmes sont le plus grand nombre des habitants de l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mécréantes. Ça aussi, il faut comprendre. Si c'est des musulmanes qui ont été ingrates envers leur mari, ça, c'est pas du kufr qui fait sortir de l'islam. C'est de l'ingratitude, c'est un péché. Et ça veut dire que celui qui commet ce péché-là, il est sous la menace de l'enfer. mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas croyante ou elle n'est pas musulmane, et ça ne veut pas dire qu'elle va nécessairement être en enfer. Peut-être qu'elle va être pardonnée par Allah. Peut-être qu'il y aura d'autres péchés qu'elle a faits qui vont venir effacer ou expier ce péché-là. Donc c'est pour ça qu'il faut pas prendre, il faut comprendre comment, il faut savoir comment comprendre ces hadiths selon la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a et non pas selon la compréhension des Khawarij. Hein? Ça c'est important. Et le Cheikh il dit: "Wa hada fihi dalilun ala anna kufran an-ni'ma kabiratun min kaba'ir adh-dhunub tujibu dukhul an-nar wa fihi anna al-mar'a yajibu an tuqaddira zawjaha wa tashkur lahu ayadihi عليها وتنظر في محاسنه وما أجر الله لها من الخير على يديه ولتنظر إلى نعمة الله عليها وقد رزقها الله زوجا ولتنظر إلى العوانس والأيام وما هن فيه من التعب والضيق والكدر والشدة فإن هي تنكرت لزوجها وجحدت إحسانه فإنها متوعدة بهذا الوعيد وبذلك صارت النساء أكثر أهل النار بهذه الخصلة الذميمة. Le cheikh il dit que ça c'est la preuve que le fait d'être ingrat, hein, c'est l'ingratitude c'est un des grands péchés parmi les grands péchés qui fait que la personne risque d'entrer en enfer. Et il y a dans ça également que la femme il est obligatoire pour elle de reconnaître le bienfait que son mari lui fait et d'être reconnaissante envers ça et d'être reconnaissante envers tout le bien qu'il lui fait et de regarder aussi les bons côtés de son mari, pas juste regarder les défauts. Il y a des femmes, malheureusement, c'est ça. Elles ne regardent que les défauts. Puis il y a des maris aussi, la même chose, ils ne regardent que les défauts de leur femme. Et donc ça, ce n'est pas correct. Et il dit, le cheikh, il faut que la femme, elle regarde la grâce que Allah lui a faite en lui donnant un mari. Parce que regardez les femmes qui sont célibataires et les filles qui sont arrivées à un certain âge et qui trouvent plus de mari. Hein? Elles rêveraient d'avoir un homme pour s'occuper de lui et également pour l'aider dans ses tâches ou dans des choses de ce genre. Et elles se sentent seules et tristes à cause de ça. C'est pas comme les koufars qui, dans les pays de Kouf, les femmes, elles changent. Chaque jour, elles vont avec différents hommes. Ça ne les dérange pas d'être célibataire parce qu'elle n'a pas de mari, mais elle va avec n'importe quel homme. Mais dans l'islam, c'est pas comme ça. Les femmes, si elles ne sont pas mariées, elles restent à la maison avec leurs parents, avec leur famille. Elles vont rester comme ça, toutes seules, sans mari. Non. Il y en a beaucoup de femmes comme ça dans certains pays musulmans. Les femmes ne trouvent pas à se marier. Quand elles arrivent à un certain âge, si elles ont fait des études ou des choses comme ça, peut-être qu'après ça devient difficile pour elles de trouver un mari parce que les hommes ils cherchent des filles qui sont plus jeunes. Hein? Ils préfèrent des filles qui sont plus jeunes. Ils ne vont pas marier une femme de 30 ans ou de 40 ans s'ils peuvent trouver une jeune femme de 20 ou 18 ou des choses comme ça. Tu vois, ça c'est dans les pays musulmans, malgré que maintenant il y a des choses qui changent sur ce plan-là, mais bon, c'est pour dire que ça c'est en général c'est comme ça. Mais c'est pour cette raison que l'islam il permet la polygamie, d'avoir plus qu'une femme dans les pays musulmans. Un homme qui a les moyens et la capacité, il a le droit d'avoir deux ou trois ou quatre s'il est capable. Oui, l'ingratitude c'est de renier la grâce, de ne pas être reconnaissant, de ne pas remercier pour le bien qu'on nous fait. Oui, c'est un grand péché, puisque le prophète sallam a mentionné que des femmes seront en enfer pour ça. Donc ça c'est la preuve que si la femme elle dit à son mari « tu m'as jamais rien fait de bon », qu'à cause de ça elles sont le plus grand nombre dans l'enfer, donc c'est la preuve que c'est un grand péché. Oui. Ouais. Et donc, le cheikh il dit, Donc, si elle renie le bienfait de son mari, qu'est-ce qu'elle lui donne? Elle est sous la menace. Elle est sous cette menace. Et donc, c'est ainsi que les femmes sont le plus grand nombre des habitants de l'enfer à cause de cette caractéristique blâmable. Il dit wa qawluhu man la yashkur an-nas la yashkur Allah fi hadha anna man la yara al-ma'ruf min an-nas fa huwa la yara al-ma'ruf min Allah azza wa jalla wa amma in kana yara an-ni'mah min an-nas wa yashkurha fa innahu min babi awla an yara an-ni'mah allati أن يرى النعمة من الله تعالى ويشكرها فكما أنه يشكر الله فلا بد أن يشكر الناس على المعروف ولا يجحده. Le Cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui ne remercie pas les hommes, il ne remercie pas Allah. Et donc le Cheikh il dit que ça veut dire que celui qui ne voit pas qui ne voit pas le bien que les gens font, eh bien, c'est comme s'il ne voit pas non plus le bien que Allah lui donne, le bien qui vient d'Allah. Tandis que celui qui voit la grâce qui vient des gens et qui est reconnaissant envers cette grâce, eh bien, il va être encore plus capable de voir la grâce qui vient d'Allah et il va être encore plus capable d'être reconnaissant envers cette grâce-là. Donc, c'est pour ça que celui qui est reconnaissant envers Allah, il faut qu'il soit reconnaissant envers les gens qui lui ont fait un bien. Et il ne doit pas renier ce bien-là. Et le Cheikh, il dit ensuite, « قَوْلُهُ وَمَنْ أُعْطِيَ عَطَاءً فَلْيُجْزِي بِهِ يَعْنِي مَنْ أُعْطِيَ مِنَ النَّاسِ عَطَاءً أي مَنْ مُنِحَ مَالًا أو مُنِحَ مَالًا أو هَدِيَّةً أو صَدَقَةً أو مساعدة على قضاء دين فإنه يجب عليه أن يشكر من أحسن إليه فإن وجد مالا أعطى من أحسن إليه قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإن لم يجد ما يقابل ما أعطاه إياه فإنه من الواجب عليه أن يدعو له هذا هو الطريق الصحيح فيما يكون بين الناس في بذل المعروف والشكر عليه فدلت هذه الأحاديث على أن الشكر واجب على المنعم عليه سواء كان من الله تعالى أو أجراها سبحانه على أيدي عباده فإن لم يشكر وجحد فإن هذا الجحود يدخل في باب الكبائر. Donc le Cheikh il termine ce chapitre en disant que ensuite dans l'autre hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit celui qui a reçu un don alors qu'il rétribue la personne, qu'il récompense la personne qui lui a fait ce don là c'est-à-dire celui parmi les gens qui reçoit quelque chose soit de l'argent ou un cadeau ou une aumône ou quelqu'un qui l'aide à payer une dette, alors dans ce cas-là il doit être reconnaissant envers la personne qui lui a fait du bien. Et s'il ne trouve pas de par exemple, s'il reçoit de l'argent, il va donner un peu de cet argent-là. Tu vois? Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 60 dans Surat al-Rahman, est-ce que la récompense de la bonté, de l'ihsan, est-ce que ce sera autre chose que l'ihsan? Si tu fais du bien, tu vas recevoir du bien. Donc, si tu reçois du bien, pour récompenser la personne, tu fais du bien, tu donnes à la personne de quelque chose que tu as, mais si tu n'as pas rien à lui remettre, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des doigts pour la personne. Tu fais des doigts pour la personne. C'est ça la façon correcte à faire lorsque quelqu'un te fait un bien quelconque pour être reconnaissant envers cette personne. Si tu as quelque chose à lui donner, tu lui donnes. Si tu n'as rien à lui donner, au moins tu fais des doigts pour la personne. Et il dit que ces hadiths-là, c'est pour nous indiquer qu'il faut être reconnaissant et que c'est obligatoire pour nous d'être reconnaissant envers la personne qui nous fait un bien quelconque, peu importe que cette grâce elle vienne d'Allah directement ou par l'intermédiaire ou par la main de quelqu'un parmi ses serviteurs. Donc celui qui n'est pas reconnaissant et qui renie cette grâce, eh bien il faut qu'il sache que le fait de renier la grâce d'Allah, ça fait partie des grands péchés. Donc c'est ça le